je suis plus la même. Je crois pas que je m'aime, j'ai l'impression que tout se répète. Je suis parano, je sais que c'est trop, je sais que ça peut te prendre la tête. Quand je suis plus la même, je sais que je gêne, je me vois toujours quitter la fête. Hey, je crois que je sais pas comment va se finir ma vie, mais je crois que je sais que je veux la vivre à l'infini. Ce que je sais, c'est que malgré tout, j'en ai vraiment envie, vraiment envie. Je suis parano. Je suis dans le noir, je crois que je ne me supporte pas. Ouais, je suis parano, je comprends pas trop pourquoi ça reste à l'intérieur. Je crois que ça me fait peur, ce que j'ai dans le cœur, c'est le moment de sortir le joker. Hey, je crois que je sais pas comment va se finir ma vie, mais je crois que je sais que je veux la vivre à l'infini. Ce que je sais, c'est que malgré tout, j'en ai vraiment envie, vraiment envie. Je suis parano. Je suis pas non. Je suis pas non.